Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Deux victoires pour les Saguenay de Chicoutimi en fin de semaine. Les Saguenay l'ont emporté samedi par le compte de 2-1 sur les Cataractes de Shawinigan en fusillade. Kelly Climat a marqué le seul but dans la rencontre en temps régulier. Et vendredi soir, à l'Arena Robert Gertin de Gatineau, victoire des Saguenay 4-3 sur les Olympiques. Deux buts, une passe pour Kevin Climat, un but pour Vladimir Kotkov. Et Kelly Climat a marqué un but et amassé deux passes. Les Huskies de Rouyn-Noranda, de Gilles Bouchard, natif de Normandie, ont gagné 5-2 sur les Voltigeurs de Drummondville en fin de semaine. Parlons maintenant de la Ligue nord-américaine de hockey. La série entre les Marquis de Jonquière et le Cool de Saint-Georges-de-Beauce est maintenant égale 1-1. Hier, les Marquis ont vaincu le Cool 2-1. Alexandre Quenelle a dirigé l'attaque des Marquis avec une production de 1 but, 1 passe. Et Jean-Michel Bolduc a aussi marqué dans la victoire. Vendredi, les Marquis s'étaient butés à Adam Russo en très grande forme et les Marquis avaient perdu 4-1 contre le Cool. Le seul but des Marquis appartenait à Francis Trudel. Le multiconcessionnaire de Beauce-Saint-Cyr et les seniors du Lac-au-Fleuve se sont inclinés 7-6 dans le dernier match de l'année. Ça se passait au complexe sportif du secteur de Dolbeau samedi. Jonathan Fleury a marqué 2 buts et a amassé une passe. Il y a Billy Ménard qui a marqué 1 but, 1 passe. Jean-Philippe Pellicelli, 1 but, 1 passe. Olivier Duchesne, 1 but et Jean-François Fortin a également marqué 1 but. Le multiconcessionnaire va commencer sa série en fin de semaine contre la Haute-Côte-Nord au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Ligue junior régionale maintenant, les Sabres de Robertval se sont fait écraser 8-2 par les Marquis de Jonquière lors du deuxième match, c'est-à-dire de la série. La série va se poursuivre jeudi. Maintenant, les Éperviers de Normandin mènent 2-0 dans la série contre les Sags de Chicoutimi. Hier, les Éperviers ont gagné 7-4 contre les Saguenay. Nicolas Clément, 2 buts, 1 passe. David Gagnon, 2 buts. Mathieu Saint-Pierre, 1 but. Yannick Tremblay, 1 but, 1 passe. De même que Jérémy Cloutier, 2 passes pour Vincent Boivin. Et vendredi, les Éperviers ont gagné 6-5 contre les Saguenay de Chicoutimi. 2 buts pour David Gagnon. Samuel Larouche et Vincent Boivin ont aussi marqué. Nicolas Clément et Simon Larouche ont fait bouger les cordages aussi. Maintenant, Ligue Midget Régionale, la série entre les Marquis de Jonquière et les Castors de Dolbeau-Missassin est égale 1-1. Hier, les Castors ont gagné 6-1 contre les Marquis et les Marquis ont gagné 2-1 vendredi soir à Jonquière contre les Castors. Donovan Dion a marqué le seul but dans la défaite. Le Marcos Pub de Saint-Félicien mène 2-0 dans la série qui les oppose au National de la Baie. Hier, le Marcos Pub l'a emporté 3-1 contre le National. Vendredi soir à Saint-Félicien, le Marcos Pub avait gagné 5-2. Antoine Niquette a été le meilleur avec une production de 1 but, 1 passe. Et la série maintenant entre les Ambassadeurs de Chicoutimi et les Saguenay de Chicoutimi est menée 2-1 par les Ambassadeurs de Chicoutimi. Dans le premier match, les Ambassadeurs ont gagné 3-2 sur les Saguenayens. Thomas Laplace a marqué 2 buts. Et dans la deuxième partie de ce programme double samedi, défaite par Blanchard des Ambassadeurs 4-0 contre les Saguenay. Oui. Et dans le premier match, les Ambassadeurs ont gagné 5-2 sur les Sags, 3 buts pour Thomas Laplace. Ligue Bantam régionale, les Hurricanes de Mascouche mènent 2-0 dans la série qui les oppose aux Rapides de Boumsesni. Hier, les protégés de Hugo Maltin ont vaincu les Rapides 6-1. Et vendredi soir, défaite des Rapides 3-2 sur les Hurricanes. Le sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.